Chapitre 17e. Le duel aux lampes électriques. Paul Labroquet se rua, en faisant une trouée dans ses cagoules noires, ses cagoules rouges. Il voulait arriver à la cagoule de soie rouge au grand Z en or. Il voulait atteindre Zigomar. Ah, le prendre en ce moment du désarroi, le saisir, le ligoter. Et cette fois, il ne l'abandonnerait pas comme à l'hôtel du baron Vancambre. Il le garderait lui-même et ne le lâcherait que quand la porte de la prison se refermerait sur lui. Mais seul parmi tous les aides, seul Zigomar avait conservé tout son sang-froid. Quand il reconnut son adversaire implacable, il se rendit compte de la situation, vit le péril, mais aussi les chances de défense. Évidemment, il fut, comme tous ces hommes, extrêmement surpris de voir apparaître Paul Labroquet, alors qu'il le croyait tué. C'est lui, lui-même, Zigomar, lui qui avait tenu à planter son poignard entre les deux épaules du détective. C'est lui, Zigomar, qui, pareil au matador, avait voulu donner la mort à l'ennemi, enserré, traqué, et attiré dans le coin de l'arène préparé pour le triomphe de l'Espada. Tout avait été bien combiné pour cela. Tout avait admirablement marché. Zigomar pouvait certes croire à la victoire. Il avait tué Ned, d'un merveilleux coup, qui passant du cou entre les omoplates était allé fouiller le cœur. C'était le beau coup, le coup pour le roi au jour de fête royale. L'homme, comme l'eût été le taureau, tomba foudroyé. Mais l'homme que tu as si magistralement le maître, le roi des aides, le chef toujours vainqueur, l'homme que tu as Zigomar, n'était pas celui qui devait tomber sous son poignard. C'était son auxiliaire à lui, celui qui devait, comme les banderillos, comme les joueurs de cap, tromper, ahurir la tête, l'amener au coup de la mort. C'était un Z, un de ses meilleurs, de ses plus adroits, de ses plus courageux compagnons, celui qui s'appelait dans le monde du crime la quiche, celui en qui il avait la plus grande confiance, son ami. Zigomar comprit cela aussitôt. Son guet-apens, certes, était merveilleusement et de main de maître organisé. Jusqu'au dernier moment, il pouvait croire qu'il avait réussi. Mais Zigomar avait affaire à Paul Labroquet. Si le détective avait fait semblant de tomber dans le piège tendu, ce n'était que pour mieux tromper à son tour son adversaire et le battre encore avec ses propres armes. Des deux côtés, ce fut une lutte admirable de hardiesse, d'ingéniosité, de courage. Zigomar, cependant, ayant, dès le premier moment de surprise passé, compris que Paul Labroquet avait déjoué sa ruse et prenait l'offensive, se disposa à combattre encore et ne voulut pas avoir laissé pousser en vain les cris de triomphe. La victoire n'en serait que plus belle après ce nouveau combat. Zigomar avait, comme toujours, préparé la fuite en même temps que l'attaque, ce qui est non seulement de la prudence, mais la meilleure des tactiques, la victoire appartenant souvent à qui a pensé à la retraite. « À nous deux, Zigomar !» lui avait donc crié Paul Labroquet en bousculant ses hommes pour aller à lui. « Viens-y donc, Paul Labroquet !» répliqua Zigomar. Zigomar fit un bond en arrière. Il se dégagea de ses hommes que le détective bousculait, renversé à coups de poing. Il gagna du champ et sauta, agile comme un chat, sur une pile de sacs de ciment. Une fois là-haut, il tira d'un sifflet de métal une modulation spéciale d'un timbre aigu, perçant, qui devait porter au loin. Au signal, du dehors, un signal semblable répondit. Les aides, cependant, cagoule rouge et cagoule noire, s'étaient pendant ces quelques minutes repris. Ce signal acheva de leur rendre leur présence d'esprit, leur courage. Ils virent alors que les Broquets n'étaient que deux. Deux contre tous, 10 fois plus nombreux, et les autres aides qui arrivaient. L'espoir revint dans leur cœur. Encore une fois, ils se crurent certains de la victoire. Et un nouveau cri de triomphe s'éleva. « Vive Zigomar !» Ils se précipitèrent sur Gabriel, poussant leur cri de ralliement. « À la vie, à la mort !» Paul Labroquet, tout en poursuivant son adversaire, se garda bien d'essayer d'escalader la pile de sacs sur laquelle Zigomar était allé chercher un refuge. Il eût été en état d'infériorité trop grande et trop facilement vulnérable. Mais il bondit de son côté sur un tonneau de ciment en face de Zigomar. De ce tonneau, il grimpa sur une pyramide d'autres barils, espérant fermer la retraite aux bandits. Mais comme il parvenait au sommet, le revolver de Zigomar parla, et à ses pieds, il sentit le choc de la balle qui pénétrait dans un baril. Paul Labroquet ne vit que la lueur brève du revolver, car là, l'obscurité était à peu près complète, et malgré ses bons yeux, il ne pouvait distinguer son adversaire. mais l'éclair du revolver fut, si je puis ainsi dire, comme un point de mire, une cible lumineuse. Et si courte qu'eût été cette lueur, elle suffit au merveilleux tireur qu'était, nous le savons, Paulin Broquet, pour que sa balle alla frapper au milieu du cercle lumineux. Mais un éclat de rire répondit à sa balle qui, certainement, il en eut comme la sensation, était perdue. Un second coup de feu de Zigomar le salua. Paulin Broquet riposta, mais si prompte qu'eût été sa réponse, elle demeura encore sans résultat. Nouvel éclat de rire et troisième balle de Zigomar. Cette fois, Paulin Broquet ne répondit pas. Il ne répondit pas parce qu'il voulait voir pourquoi ses coups ne portaient pas. Ce fut trop bref comme clarté pour qu'il pût bien voir, mais il se rendit compte que Zigomar se trouvait de l'autre côté de la pile, abrité comme derrière un retranchement, et que passant la main entre deux sacs, il tirait tout à son aise et sans rien redouter. Cela ne suffisait pas à Paulin Broquet. Il voulait mieux voir. Il arma la lampe électrique de poche qu'il avait et il en dirigea les rayons sur la pile de sacs. Mais il eut soin, avant de donner la lumière, d'accrocher la lampe au rebord du tonneau formant le sommet de la pyramide. Lui se tapit, se recroquilla derrière ce tonneau. Comme il se baissait, une balle siffla à ses oreilles. Quelques lignes de plus et j'y étais, pensa le détective. Mais il voyait son adversaire maintenant, et l'adversaire ne pouvait le voir. Zigomar ne devait pas toutefois s'en tenir là. Lui aussi avait une lampe électrique, car les aides, hommes et chefs, étaient, nous le savons, aussi bien sinon mieux équipés que les Broquets. Et sa lampe, il la piqua dans le sac de ciment derrière lequel il s'abritait. À son tour, Zigomar pouvait maintenant parfaitement voir son adversaire. Les deux hommes se tinrent ainsi quelques secondes dans cette position difficile, recroquevillés sur eux-mêmes, tenant par un miracle de souplesse une merveille d'équilibre. Il leur était impossible, à l'un ou à l'autre, de faire un mouvement sans se découvrir, sans recevoir aussitôt une balle blindée dans la partie du corps que l'adversaire aurait aperçue. Car Zigomar semblait aussi bon tireur que Paulin Broquet, et le haut de la pile de sacs n'était pas éloigné de plus de 6 mètres du sommet de la pyramide de tonneaux. Il était évident maintenant que celui des deux qui, pour une raison quelconque, fatigue, glissement ou autre, céderait le premier, celui-là infailliblement recevrait le coup de feu de l'autre. Or, Paulin Broquet voulait ne pas tuer Zigomar. Inutile de déclarer qu'il ne tenait pas non plus à être tué par lui, et que guéri, du moins il le croyait, de sa folie d'imprudence, il ne songeait pas à s'exposer à se faire tuer là, sans profit, quand la victoire n'allait pas tarder à venir couronner ses efforts. En effet, si au coup de sifflet, au signal de Zigomar, les aides du dehors avaient répondu, il semblait vraiment qu'il ne s'empressait pas d'accourir au secours du chef et des compagnons en danger. Paulin Broquet voyait cela, lui, se rendait compte de cette lenteur, il en devinait la raison, et les cris qui se rapprochaient lui donnèrent l'assurance qu'il ne se trompait pas dans ses présomptions. La mort s'accourait avec les hommes, les Broquets rassemblés et stylés. Le hangar où se jouait cette tragédie était cerné. Les Broquets mettaient en fuite les aides, les empêchaient d'arriver porter secours à leurs compagnons. Des cris retentissaient, des hurlements, des coups de revolver. On se battait autour du hangar. Comme cela arrive fréquemment dans ce quartier désert la nuit, les rares habitants des maisons espacées sur le quai ne s'en inquiétèrent pas. Personne ne bougeait. On laissait, selon l'expression vulgaire mais caractéristique, ces gens s'expliquer comme ils l'entendaient et tout à leur aise. Dominant ces cris, ce tapage, Paulin Broquet entendit la voix de ses hommes, les reconnut, distingua celle de son fidèle Lamorce. « Voilà, chef, voilà !» lui criait-on pour l'encourager, pour lui redonner des forces dans le cas où il lutterait. Et Paulin Broquet, dès maintenant, se sentit maître de l'heure, maître de la minute, maître de la situation. Il n'avait qu'à attendre. Zigomar allait chercher à fuir, donc il se découvrirait. Paulin Broquet tirerait, mais il tirerait de façon à le blesser seulement, à l'arrêter. Il voulait le prendre vivant. Tout à coup, des coups de hache furent donnés à la grande porte du quai. « Voilà, chef, voilà !» crièrent des voix. Les Broquets attaquaient le hangar, donc les aides avaient fui. Presque au même moment, par la petite porte de la ruelle par laquelle, tout à l'heure, la quiche et la terreur d'Ordano étaient entrées dans le hangar, pénétrèrent quelques Broquets avec des torches. « Chef, voilà, voilà » criait-il. « Vive, Paulin Broquet !» Cette fois, Zigomar comprit le danger qu'il courait. il donna un nouveau signal avec son sifflet, et avec une rapidité surprenante, les cagoules rouges et les cagoules noires s'éclipsèrent. Pendant les quelques minutes que dura cette scène, plus mouvementée en action que rapide en écriture, Gabriel avait eu la chance de s'emparer de la barre de fer avec laquelle les aides avaient fait jouer le déclenchement du plancher mobile, écarté les affiliés de Zygomar, tapant dans le tas, sabrant à tour de bras, assommant autour de lui, faisant ma foi fort belle besogne. Les aides, jusqu'ici pressés, bousculés et tenus dans une demi-obscurité, n'osaient faire usage de leurs revolvers. La leçon de l'hôtel Vancambre, où ils s'étaient blessés entre eux, les engageait à la prudence. Ici, aujourd'hui, moins encore que là-bas, ils ne pouvaient faire feu sans risquer de loger leurs projectiles dans le corps d'un camarade. Puis, ne sachant où était passé le chef, le maître invisible, ils redoutaient de l'atteindre. En face d'eux, ils ne trouvaient qu'un homme, un forcené, un terrible lutteur, d'accord, mais dont fatalement on devait venir à bout dans quelques instants. Ils paraient les coups de barre de fer que Gabriel, enragé, leur portait, cherchant les moyens de s'emparer enfin de lui. Zygomar, sans doute, avait donné des ordres dans ce sens. Il tenait, Paulin Broquet l'apprit plus tard, à avoir un des lieutenants de son ennemi en otage, pour parlementer, entrer en conférence, et troquer ce lieutenant contre les aides faits prisonniers par Paulin Broquet. Pendant que les aides, donc, essayaient de s'emparer de Gabriel vivant, mais n'en pouvaient approcher sans recevoir un formidable coup de barre de fer, tout à coup, retentit le coup de sifflet, le signal du chef qui donnait de nouveaux ordres et commandait la retraite. C'est, il faut l'avouer, avec un grand empressement que cet ordre fut exécuté. Cependant Zygomar, du haut de ses sacs, plus que tout autre, comprenait le danger et envisageait la gravité de la situation. Ses hommes devaient s'éloigner et abandonner le champ de bataille. Après avoir crié la victoire, partir en déroute. Lui, beau dans le crime, magnifique dans sa rage, lutteur admirable, ne voulait pas encore, même devant le péril menaçant, la capture imminente, convenir de la défaite. Ses hommes, il les avait mis en sûreté. Lui, le chef, voulait le dernier s'en aller, tenir tête jusqu'à la suprême minute, comme le capitaine, dont le bateau sombre resta son banc de quart jusqu'à ce que le flot vainqueur l'emporte. Il rabattit sa cagoule sur son dos, découvrit son visage, et se mit dans le ray de lumière de la lampe de Paulin Broquet. « Je te vois !» lui cria le détective. « Je te vois bien, comte de la Guérinière. Je te reconnais, Zygomar. »« Montre-toi donc, toi aussi !» cria le bandit. « Si tu as du cœur, lève-toi » Paulin Broquet se hissa sous le dernier tonneau et se tint debout, très calme, sans plus rien dire. Il prit en main sa lampe électrique et l'éleva à bout de bras, se mettant lui-même dans le rayon de son ampoule incandescente. C'était admirable de courage, de folle bravoure. C'était bien du Paulin Broquet. Zygomar, de son côté, fit de même. Plein de rage, furieux, à peine debout et découvert, il fit feu sur son adversaire. Paulin Broquet se contenta de rire. « Maladroit, » dit-il en désignant la balle qui frappa le tonneau. « Trop bas !» Il l'avait compté. Cela faisait 5 coups de feu que sur lui, Zygomar venait de tirer. Il devait donc être désarmé. Les revolvers de la force de celui dont se servait le bandit ne contenant généralement que 5 cartouches. Alors Paulin Broquet mit en joue et visa Zygomar. « Rends-toi » lui dit-il. « Rends-toi ou je te couche. Rends-toi. »« Jamais !» hurla le bandit. Paulin Broquet tint Zygomar sous son revolver, pouvant l'abattre. Il le gardait. « Hardi » cria-t-il à ses hommes. « Hardi, par ici. Cernez-le. Prenez-le. » Les hommes accouraient. Gabriel déjà essayait d'arriver à la pile de sacs que dominait Zygomar. « Par ici » criait-il au Broquet accourant. L'amorce lui répondit « Voilà, voilà. Tenez-le, nous voilà !» Les dernières cagoules rouges virent le danger que courait le chef. Elles s'arrêtèrent dans leur fuite et se rangèrent au pied de la pile de sacs de ciment. La bataille allait reprendre. Mais une des cagoules rouges grimpa jusqu'à Zygomar. « Viens !» dit l'homme, « viens !» Et comme Zygomar voulait rester, braver encore son ennemi, qui le menaçait toujours de son revolver, l'homme à la cagoule rouge le prit à bras-le-corps et l'enleva. Presque au même moment, un coup de feu retentit. Une des cagoules rouges, avant de fuir, ayant aperçu Paulin Broquet sur la pyramide de tonneaux, se détachant en silhouette magnifique sur le fond noir du hangar, lui envoya une balle. Paulin Broquet chancela et s'abattit. Il roula de baril en baril, pendant que Zigomar, comme une suprême insulte, entraîné par son homme, lui criait « À une autre fois, Paulin Broquet !»